Je n'ai plus qu'un mot à vous dire, et si vous m'entendez, ce seul mot doit suffire. Avant que votre fureur immole ce que j'aime, il faut que votre rage extrême s'arrête à me percer. Ton insolente audace, hâte le coup qui la menace et ne va recevoir la mort. À moi, soldat! Conserver ces jours que les dieux ont proscrits, faut-il sacrifier l'intérêt de la Grèce? Faut-il d'Achille endurer les mépris? Donc plutôt sans foi à l'autel entraîner ma fille par sa mort. Garde Arcas, accompagnez la reine, qu'elle prenne à l'instant le chemin de Mycène, qu'avec ma fille, abandonnant ces lieux, elle la cache à tous les yeux.